Attaque Québec fait évidemment partie de la coalition et sera présente demain à Montréal. Ce soir, on a voulu revenir sur cet événement pour en présenter les enjeux, pour expliquer aussi quelles étaient les revendications et bon, pour donner quelques détails pratiques aussi à ceux qui souhaiteraient s'y rendre demain. Alors, comme chaque semaine, c'est Cédric Leterme qui est avec moi ici en studio. Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir Valérie. Ça va bien? Très bien. Oui, t'as pas tombé sur la glace ce soir? Non, écoute, j'ai réussi à venir sans trop de problèmes. C'est bon. Alors, Cédric, ça devrait être quand même gros, ce qui se prépare demain. Mm-hmm. Ça fait quand même un bon petit moment qu'est prévu cette manifestation et c'est pas mal une convergence d'organismes et de luttes différentes. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, on espère que ça va être gros. On verra ce que ça va donner demain. Mais c'est sûr que bon, l'enjeu est vraiment très important en tout cas. Puis c'est assez impressionnant de voir s'organiser une convergence pareille. On parle d'à peu près 150 organismes syndicaux, communautaires, étudiants, féministes, écologistes, populaires, à votre guise, qui vont se réunir pour dire non aux orientations et aux choix de société, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est vraiment des choix de société qui sont en train d'être portés, qui sont en train d'être pris pour le Québec. Donc c'est une belle marque d'unité en tout cas de voir ça, et puis c'est l'occasion jamais de venir faire entendre sa voix et de dire que bah, ce Québec-là, on n'en veut pas finalement. Alors oui, c'est justement, on va revenir peut-être sur les raisons de cette manifestation. Donc, la coalition contre la tarification, la privatisation des services publics. Donc, ça l'a vu le jour l'année dernière. Oui. Donc, ça a été adopté, ben dans le fond, c'était suite à l'adoption du budget Bachand. Mm-hmm. Puis que beaucoup ont considéré comme particulièrement injuste. Oui, en fait, le gouvernement du Québec, à l'époque et toujours à l'heure actuelle, a été quand même assez fidèle à ce niveau-là. On peut pas dire qu'ils ont vraiment innové. Il a été assez fidèle à la vague d'austérité qui traverse actuellement la plupart des pays développés dans le sillage de la crise économique qui a éclaté en 2008, on s'en souvient, et qui fait toujours sentir ses effets à l'heure actuelle. Alors même si on a été relativement épargné ici au Québec et au Canada aussi, par la crise, hein, ça a été loin d'être aussi grave et aussi sérieux que ce qu'on a pu observer par exemple en Europe ou aux États-Unis même. On a quand même vécu une récession, ça y a rien à faire, puis inévitablement, quand ça se produit, ça pèse sur les finances publiques, hein, puisqu'il faut augmenter les prestations sociales, et à contrario, les recettes fiscales, elles diminuent aussi mécaniquement à cause de la crise. Donc ça a pesé sur les finances publiques, ça a accentué évidemment le déficit et donc aussi le poids de la dette. Alors, on nous disait déjà avant la crise qu'il était insupportable, ce poids de la dette, que c'était catastrophique, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc ici, le gouvernement a décidé qu'il était vraiment urgent de s'attaquer à l'état des finances et de revenir à l'équilibre budgétaire le plus vite possible. Donc ils ont adopté un objectif de déficit zéro d'ici à 2013-2014, et c'est extrêmement court comme délai. Mm-hmm. Donc c'est dans ce contexte-là que le ministre des Finances, M. Bachand, il va sortir son budget. Voilà, exactement. En fait, jusque-là, on peut dire qu'on voyait pas trop le problème, quoi. Après tout, revenir à l'équilibre budgétaire, désendetter le Québec, etc., ça peut paraître des objectifs tout à fait souhaitables, quoi. On voit mal qui pourrait s'opposer à ça. On était juste un petit peu mal à l'aise, forcément, parce qu'on se demande si c'est vraiment ce qu'il y a de plus urgent à faire au moment où la reprise économique est encore assez fragile. On se demande s'il n'y a pas d'autres priorités que de revenir vraiment tout de suite et très vite à l'équilibre budgétaire. Mais d'autant plus que quand on regarde la situation du Québec par rapport aux autres pays développés, c'est important aussi de le rappeler, on est tout à fait dans la moyenne, on est loin d'être au bord du gouffre ou au bord de la banqueroute comme on l'entend de manière récurrente. C'est ce qu'on entend. Dans certains milieux, on est très loin de ça, on est tout à fait dans la moyenne. C'est pas extraordinaire comme situation, mais on est dans la moyenne des pays développés et il y a nettement pire que le Québec, donc c'est loin d'être aussi urgent qu'on veut nous le faire croire. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas, après tout, revenir à l'équilibre, ce que je disais, ça peut être un objectif qui semble, en tout cas à première vue, tout à fait souhaitable. C'est sûr qu'il va falloir le faire un jour ou l'autre. Le problème, il arrive surtout quand on a vu les solutions qui ont été proposées par le ministre Bachand dans son budget, et qui sont prises finalement, qui constituent l'orientation du gouvernement, et qui s'inscrivent, elles, dans la droite ligne de ce qu'on pourrait appeler l'offensive néolibérale à laquelle on assiste depuis bientôt 30 ans maintenant, c'est plus vraiment une nouveauté, mais ici qui est de manière assez étonnante, plus que jamais d'actualité depuis la crise. Et ça, je dis que c'est étonnant parce que la crise, c'est précisément le résultat de ces politiques-là, en fait. Mais c'est-à-dire, c'est quoi ces politiques? Ces politiques-là, finalement, c'est les recettes classiques. Je disais que le gouvernement du Québec n'avait pas été très innovant là-dedans. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait preuve d'une grande originalité. Le nom de la coalition qui organise la manifestation demain le dit assez bien. Finalement, ça consiste essentiellement à tarifier ou à privatiser de plus en plus les services publics. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ici au Québec, on vit au-dessus de nos moyens. On a beaucoup trop de services par rapport à ce qu'on paye. Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on accepte de payer plus pour maintenir le même niveau de service, soit on coupe dedans, soit on transfère ça au privé, puis on laisse le marché s'en occuper, quoi. Concrètement, ça se traduit par des mesures de hausse des tarifs, par exemple pour les soins de santé. Mm-hmm. On connaît tous la mesure qui a fait beaucoup de bruit, hein, ce fameux ticket santé de $200 que tout le monde devra payer, peu importe les revenus. Mm-hmm. Donc ça sera un excellent exemple de mesure régressive parce qu'elle frappe tout le monde de la même manière. Et puis pour un service public en plus qui est essentiel, qui est la santé, qui est censé être un droit fondamental. Il y a aussi des augmentations qui sont prévues parce qu'on prévoit un dégel des frais de scolarité. Là aussi, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Les associations d'étudiants sont avec raison opposées à cette situation-là. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il s'agit vraiment d'une attaque en règle contre les services publics et surtout contre ce que les services publics sont censés représenter, c'est-à-dire en termes de solidarité, d'accessibilité. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des services publics, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on considère être des droits fondamentaux pour les citoyens, le droit à l'éducation, le droit à la santé, et normalement chacun doit pouvoir y accéder, peu importe ses revenus, c'est des choses qui sont censées être garanties pour tout le monde. Or ici, on remet fondamentalement en question ce principe-là, puisqu'on demande à tout le monde de fournir le même effort sans tenir compte des différences de revenus. Et du coup, mais les mesures qui sont présentées dans le budget, c'est des mesures qui proportionnellement affectent beaucoup plus les catégories de la population qui sont plus défavorisées, mais aussi de plus en plus la classe moyenne qui est loin de s'en sortir bien, en tout cas ces temps-ci. Alors, ceci dit, le gouvernement nous dit qu'on n'a pas le choix, alors que ce soit injuste ou pas, ou finalement, c'est pas tellement la question, puisque de toute façon, on n'aurait pas d'autre alternative. Ouais. C'est ce que ouais. t'es en train de me dire. C'est à peu près ça, le discours qu'ils tiennent. C'est vrai que c'est leur argument préféré, dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que cet argument-là, en tout cas, il a l'avantage de couper assez vite court au débat. Mm-hmm. Oui, vos principes de solidarité, c'est bien beau, mais on peut pas se les permettre. C'est évidemment complètement faux. Des alternatives, il y en a plein. D'ailleurs, le slogan de la manifestation de demain, c'est un budget équitable, c'est une question de choix. Donc, mm-hmm. ça résume bien la situation. On aurait pu dire aussi, c'est une question de choix de société, quoi. Ici, c'est important de rappeler que le problème, en fait, c'est absolument pas qu'il n'y a pas assez de richesse. De la richesse, il y en a plein. On n'arrête pas d'en créer depuis des années. On est dans un pays développé qui va bien. On a une situation économique qui va bien aussi, malgré quelques petites récessions. Mais globalement, on connaît de la croissance assez régulièrement. Donc, de la richesse, il y en a. Le problème, c'est pas là. C'est que cette richesse qui est créée, elle est extrêmement mal répartie. Et c'est de pire en pire depuis 20-30 ans. Pour prendre des exemples concrets, ça fait 30 ans que les salaires moyens stagnent, mm-hmm. que les finances publiques s'enfoncent dans le rouge, que les gens, aussi les ménages moyens, sont de plus en plus endettés. On n'arrête pas d'entendre parler aussi de cette situation-là. Puis à côté de ça, mais on voit que les profits des entreprises, eux, explosent d'année en année. C'est de plus en plus faramineux. Les salaires des patrons aussi sont de plus en plus démesurés. Donc il faut quand même pas très longtemps pour faire le lien entre les deux situations. Si on n'arrive plus à se payer nos services publics, c'est pas tellement parce qu'il n'y a pas de richesse, parce que la richesse, elle est là, on la crée, mais elle se concentre de plus en plus dans les mains d'un petit nombre d'individus. Et cette situation-là, elle est absolument pas le fruit du hasard ou des lois naturelles de l'économie, comme on essaie souvent de nous le présenter. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Prétendre ça reviendrait à dire que le fait que, par exemple, les plus grands patrons en moyenne gagnent 155 fois ce que les employés moyens gagnent. Bon, ça, c'est des écarts qui sont astronomiques, qui arrêtent pas de se creuser. Et bon, à moins de prétendre que les grands patrons méritent un tel salaire, je crois que personne sera capable de justifier pourquoi il mérite des rémunérations aussi astronomiques comparées aux autres. Ça reviendra à dire que les autres n'ont pas de mérite non plus. Donc on voit bien que c'est le fruit évidemment de politiques délibérées qui consistent à accentuer les inégalités. Et on voit que celles qui sont proposées ici par le budget Bachand, elles vont exactement dans ce même sens-là, puisque non seulement elles ne contrecarrent pas les inégalités, mais elles les accentuent en rendant chacun responsable finalement de sa propre situation. Et c'est pourquoi, d'après nous, il faut dire non en tout cas à l'orientation qui est prise actuellement, et surtout rappeler qu'il y a d'autres solutions qui existent. Alors en effet, alors avant d'écouter ces solutions, mm-hmm. alors on va d'abord écouter une pièce musicale. Alors chers auditeurs, restez bien branchés. On se continue toujours avec Cédric Le Terme. À tout de suite. Bien, tout d'abord, Rémi a raison de s'intéresser à la bourse. C'est sur le long terme le placement qui rapporte le plus. La bourse obéit à des cycles haussiers ou baissiers. Et le moment où l'on investit sur le marché des actions est très important. Nous sommes donc dans un cycle baissier. L'idéal donc pour se constituer un portefeuille. Avec cet inconnu, personne ne sait quand les marchés vont tomber. C'est simplement aujourd'hui qu'ils sont très volatiles, donc le tout va être très spéculatif. Alors, quel conseil vous gardez ? Premier conseil, commencez à investir, ne pas manquer la hausse. Moi, je suis pour la liberté. La liberté des capitaux. Mon argent doit circuler si je veux gagner l'euro. Les entreprises sont ligotées par des lois socio-économiques. Me l'a dit à la télé. Il me l'a dit dans le Figaro et chez Jean-Pierre Pernaud. et ma liberté à moi passe pas par celle des clodos. Pour la concurrence, au sport à l'école, ma devise, chacun son niveau et sa chance, chacun pour soi et ses devises. Il n'y a qu'en s'entretuant qu'on avance, c'est pas l'amour qui réalise des gros chiffres pour la croissance. Moi, toute ma vie est en crise. Si le CAC 40 s'envise, c'est pas ma faute si les Éthiopiens n'ont pas l'esprit d'entreprise. Démocratie, mon chef m'a donné des actions, il croit en moi, il me l'a dit, j'ai du pouvoir de décision. Pour un billet, il y a un avis, et le patron en a des millions, mais si je me défonce toute la nuit, je me fais ma petite augmentation. Et un sandwich aux jambons. Le droit de vote démocratique, c'est l'invention de mon patron. Les assistés, les SDF et les chômeurs, encouragés à rien glander, faut plus d'aide, plus de resto du cœur, d'accord. Il y en a qui vont crever, mais c'est parce que c'est des losers, et puis il faudrait plutôt aider les entreprises qui sans ampleur travaillent et gèrent notre bonheur. Fallait acheter des stock options, faites pas chier avec votre malheur. Je ne me sens pas concerné, je n'aime pas les luttes utopiques. La droite, la gauche, c'est dépassé. C'est dans mes temps préhistoriques que les patrons et les ouvriers se battaient comme des hystériques, car maintenant c'est terminé. Grâce aux grandes lois du marché, on les appelle entrepreneurs et nous voilà réconciliés. Faut tout niquer, aller de l'avant. Pour être un héros, faut gagner. Les vrais salauds, c'est les perdants. Ce qui compte, c'est y arriver. Et peu importe comment, c'est indécent et déplacé de savoir d'où vient son argent. Et puis la justice, c'est chiant. Si les nazis avaient gagné, je serais un fervent partisan. Merci Fabien. Qu'est-ce que tu nous as fait jouer? Alors c'était... C'était... Timmy Titil, le petit actionnaire. Ça va lui demander quand c'est imprononçable. Timmy Titil? Timmy Titil, en tout cas, c'était très instructif. Alors, eh bien... Vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin au microphone, toujours en compagnie de Cédric Leterme, avec qui on évoquait les enjeux qui entourent la manifestation nationale, donc organisée demain, 12 mars, à Montréal, pour dire non. Alors nous disons non au budget du gouvernement Charest et oui à un Québec plus juste et plus égalitaire. Alors, bienvenue à tous, en passant. Alors, Cédric, on a vu pourquoi l'ensemble des organismes qui vont se réunir demain, s'oppose aux mesures budgétaires du gouvernement, ben est-ce que qu'est-ce qu'il propose à la place? Les propositions. Oui, d'accord. Parce qu'il y en a. Donc je vous disais que le slogan de la manifestation demain, c'est un budget équitable, une question de choix. Mm-hmm. C'est pas juste un slogan, c'est pas juste une façon de parler. Ça repose sur quelque chose. Ça repose sur tout un travail qui a été fait par l'ensemble des organismes qui composent la coalition. Et donc pour montrer que ces choix existent. Et puis pour donner aussi des idées à nos dirigeants, parce qu'apparemment ils ont l'air d'en manquer un petit peu ces derniers temps. Donc la coalition s'est rassemblée, a essayé vraiment de travailler là-dessus, et ils proposent toute une série de mesures qui permettraient d'aller chercher l'argent là où il est finalement, et de faire primer le bien-être collectif, c'est-à-dire le bien-être de la société dans son ensemble. Le bien-être collectif. Sur le profit de quelques-uns. J'aime. Voilà, c'est un bel objectif. Donc ils ont rassemblé ça dans un document de 24 pages qui est disponible sur le site www.nonauxhausses.org. C'est le site de la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics. Ce document-là reprend finalement toutes les mesures, puis il montre aussi, ça c'est assez intéressant, il montre l'argent qu'on pourrait aller chercher avec ces différentes mesures-là. Ah ouais, alors comme quoi par exemple? Comme quoi, eh bien, ça consiste par exemple, alors ils ont séparé ça en plusieurs grandes catégories. Donc la première par exemple, ce serait de réinstaurer la progressivité de l'impôt des particuliers. La progressivité, on le rappelle, ça veut dire de faire en sorte que l'impôt augmente en fonction des revenus. Donc plus on a un gros revenu, plus on va payer une proportion d'impôt importante. Puis ça part du principe qu'une personne qui a un très faible revenu, payer 2% de quelque chose de très faible, ça l'ampute déjà beaucoup. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est le principe de la progressivité. Le problème, c'est que ce principe-là, qui est quand même à la base d'une société qui essaie d'être plus solidaire, ces dernières années, il a beaucoup souffert. Et la participation fiscale des ménages les plus aisés, elle a eu tendance à baisser ces dernières années, tandis que celle des ménages les moins fortunés, elle a eu tendance à augmenter par contre. Et le problème avec ça, c'est qu'en plus d'être injuste, ça entraîne en fait des grosses pertes financières, parce que finalement, quand on a un revenu aisé qui paye, je le dis à titre d'exemple, 3% de moins d'impôts, on perd beaucoup plus que quand un revenu bas paye 3% de plus. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont proposées pour récupérer ça. On propose aussi de rétablir un équilibre, et ça c'est très important, entre les impôts des particuliers et les impôts des entreprises. Puisque là aussi, les entreprises ont vu la contribution qui leur était demandée, à titre aussi de membres de la collectivité. Cette contribution-là, elle a considérablement diminué aussi ces dernières années, sous le prétexte, on les connaît, qu'il faut que finalement la richesse de la société passe par l'enrichissement des entreprises. Mm-hmm. Et donc une fois qu'elles se seront bien enrichies, on peut espérer que ça dégouline vers le reste de la société, on peut espérer récupérer quelques miettes. Donc ça passe par des crédits fiscaux, des exonérations fiscales nombreuses, toute la concurrence aussi qu'on se livre au niveau fiscal pour attirer un maximum d'entreprises, faire en sorte que finalement elles sont dans une position de force et elles arrivent à ne quasiment plus participer aux ressources fiscales de l'État. Donc un des exemples qu'ils donnent là-dedans, ce serait par exemple d'augmenter les redevances sur les ressources naturelles. Et là on pense évidemment à l'industrie minière, qui est probablement la plus emblématique des industries qui payent des montants absolument ridicules à titre de redevances pour exploiter les ressources du Québec. Et je suppose qu'il y a aussi la question des paradis fiscaux. Oui, les paradis fiscaux, tout à fait, mais ils incluent ça dans un volet où ils disent qu'il faudrait améliorer la lutte contre la fraude de manière générale. Donc ça inclut évidemment la lutte contre les paradis fiscaux, qui est un des principaux chevaux de bataille d'Attaque. D'ailleurs, Attaque a beaucoup amené d'expertise là-dedans, justement dans toutes les consultations qui étaient faites pour élaborer ces mesures-là. On a beaucoup travaillé avec les membres de la coalition sur cette question-là des paradis fiscaux. Mais il y a évidemment aussi les autres types de fraudes. On parle en fait d'évasion fiscale, c'est-à-dire ça, c'est ce qui part vers les paradis fiscaux. Et on parle d'évitement fiscal, c'est-à-dire s'arranger pour utiliser le système de la manière à diminuer au maximum sa contribution. Et ça aussi, ça entraîne des pertes considérables. Ce qu'ils proposent aussi, aussi comme autre mesure, ce serait de cesser le recours au privé dans les services publics. Il y a différentes manières d'y recourir, hein. On sait que les PPP, par exemple, se multiplient de plus en plus, mais on se rend compte que ça occasionne des coûts énormes. Et donc, ils proposent tout simplement d'arrêter de le faire, ou encore de réformer la politique du médicament, puisque là aussi, il y a énormément d'argent à aller chercher. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc je vous invite vraiment à aller voir le document, il est extrêmement bien fait. Vous aurez vraiment une présentation des évolutions, des montants qui peuvent aller être obtenus, puis des principes aussi qui se cachent là derrière. Il faut savoir qu'avec les différentes mesures qui ont été proposées, les membres de la coalition ont calculé qu'on pourrait arriver à un total de 9 milliards de dollars annuels. Donc c'est colossal comme chiffre, et il faut préciser en plus que c'est un chiffre c'est une estimation qui dit conservatrice. C'est-à-dire que quand ils ont le choix entre, bon, ils estiment que cette mesure-là pourrait récupérer probablement entre 100 000 et 300 000, ben, ils vont garder juste le 100 000 pour être sûr de pas prendre de risque. Donc, ils prennent à chaque fois l'estimation la plus basse. Et même en prenant à chaque fois la plus basse, on tombe à un revenu de 9 milliards, quoi. C'est pas rien. Non, c'est énorme. On voit très bien d'ailleurs en lisant le document, du coup, qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. En tout cas, qu'il y en a beaucoup d'autres que celles qui sont proposées par le gouvernement. Et donc, c'est d'autant plus révoltant, évidemment, de voir qu'on refuse, ne fût-ce que de les considérer, qu'on les balaie vraiment d'un revers de la main, toujours avec les mêmes arguments, en disant, écoutez, si on taxe plus les entreprises, elles vont partir. Mm-hmm. C'est toujours le même chantage qui revient, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout faire pour qu'elles soient là, mais à un moment donné, on a tellement fait pour les entreprises que oui, elles se sont considérablement enrichies, mais on n'a toujours pas vu les retombées pour le reste de la société. Donc il faudrait peut-être revoir un petit peu ce modèle-là. Et c'est ce que propose finalement la coalition. Donc j'invite vraiment tous nos auditeurs à se joindre à nous à demain pour la manifestation et puis à unir leur voix à la nôtre pour demander un Québec plus juste et plus égalitaire. Alors, merci Cédric. Oui, et bien justement, on va peut-être conclure sur une note pratique. Alors, la manifestation aura donc lieu demain 12 mars à Montréal. Elle démarra à midi, place du Canada. Alors, il y a des bus gratuits qui sont mis à disposition en partance de Québec. Donc, vous devez par contre vous inscrire en contactant le RIPAC au 418-523-4158. Normalement, il reste des places. Donc, les bus vont partir de Québec à partir de 8h30. Donc, vous présentez à 8h15. Et on sera de retour, normalement, vers 18h30. Alors, pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics à l'adresse, comme on l'a mentionné, donc www.nonhausse.org, ainsi que sur le site du RIPAC, donc pour avoir les détails sur les départs depuis Québec. Alors, Cédric, eh bien, merci pour toutes ces informations. Et on va devoir en rester là pour aujourd'hui. Alors, Donc, c'est ça. Et ben, c'est l'heure d'une petite page de publicité. Alors, à tout de suite. Non. C'est le 4e anniversaire des productions Monum. Et pour ça, samedi 19 mars, dès 21h, venez voir, entendre, déguster et danser avec Bugeaud. Tu travailles avec l'Isée. Qui frise le dérapage. Barton Fink. If you know what you got, then you ain't got much. Les DJ Soviet Funk. Play on now. Le tout pour $15 à la porte. Ouverture des portes 21h, showtime 22h. On fête l'équinoxe du printemps, la pleine lune et le 4e anniversaire des productions Menoum. En collaboration avec CKRL, Le Cercle et vous. Diaporama d'affiches de Mathieu Place. Dévoilement de nouveautés sur le site web des productions Monum. DJ Soviet Funk jusqu'à la fermeture. Du bonheur à l'état de jusqu'à plus soif. Samedi 19 mars, ouverture des portes 21h, showtime 22h, $15 à la porte. Monum. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Vous pourriez vivre vos rêves les plus fous. Parce que ce vendredi, le gros lot du Lotomax est de 50 millions, plus les Max Millions, évalués à 31 lots additionnels de 1 million CKRL passe en mode financement. Investis ton studio.

C'était Wedding Kojak de Goran Bregovic. Merci Fabien. Alors, des airs très festifs. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. C'est Renaud Blais qui nous rejoint maintenant pour sa chronique mensuelle consacrée à l'altermondialisme. Alors, bonsoir Renaud. Bonsoir Valérie. Ça bonsoir tout le monde. Oui, oui, ça va, ça va. Alors, de quoi aimerais-tu nous parler aujourd'hui? Bon, ben moi, dans la poursuite un peu d'une activité de mobilisation dont il était question, je vais vous parler de, globalement, les célébrations du 10e anniversaire des luttes au 3e sommet des Amériques, qui a eu lieu il y a 10 ans à Québec. Ben, il y a 10 ans, il y aura 10 ans le 20 avril, mm-hmm. 21 avril. Puis dans ce cadre-là, il y a deux activités aux Amis de la Terre dont je vais vous parler, puis il y a la journée du 16 avril, qui est la journée principale de ces célébrations commémoratives. Excellent. Alors, la première activité, c'est dans le cadre de la semaine de l'eau, comme les deux activités dont je vais vous parler présentement. Il y en a une qui est plus orientée et donnée par Claude Vaillancourt, qui est bien connu chez ATTAC, qui est co-président national. Sa conférence porte sur le projet d'accord de libre-échange qu'on est en train de nous négocier dans le dos entre le Canada et l'Union européenne. Il a appelé ça « Accord de libre-échange Canada-Europe, un levier pour la grande braderie ». Là, M. Vaillancourt est une des, tant qu'à moi, du côté militant, une des autorités sur le sujet, qui fait partie du groupe des... Comment est-ce qu'on les appelle à ATTAC, les professionnels, le groupe des... En tout cas, c'est un groupe d'experts qui est le groupe de recherche d'ATTAC. Là, il fait partie puis il dirige même ce groupe-là. Tout ça pour dire que voici. Ça le conseil scientifique. Conseil merci, scientifique, justement. Cédric. Bon, merci. Alors, cette entente commerciale avec l'Union européenne constituera une menace pour nos services publics, nos emplois, notre environnement, notre alimentation, notre culture, nos ressources, nos télécommunications, notre eau et même nos droits économiques, démocratiques. On en parle depuis longtemps, c'est un accord de libre-échange pour nous qui devient classique, dans le sens que c'est toujours contre ça qu'on lutte depuis le sommet des Amériques. Mais on va de plus en plus loin dans ces accords de libre-échange, puis ça veut dire on les étend en de plus en plus de secteurs. Là, ce qui est en jeu principalement dans cet accord-là, qui est documenté par les experts de la question, c'est par exemple, nos municipalités ici, ils peuvent restreindre l'ouverture des soumissions pour un contrat public à des résidents de la municipalité, par exemple. Ou ça peut être le Québec, ou ça peut être le Canada. Mais là, avec ces accords-là, là, ça peut plus marcher. Ce qui veut dire que pour le moindre contrat public de la moindre municipalité, ben il y a une entreprise française qui va pouvoir, même l'Union européenne, on parle pas juste française, mm-hmm, là, on parle d'une entente avec l'Union européenne. Fait qu'il y a une entreprise de peu importe le pays, ils sont 27 maintenant, là, ça peut être une entreprise grecque. Puis ça, ben on pense que c'est pas toujours au profit des gens de on développe pas l'économie locale si on donne des contrats à des gens d'ailleurs, que si on peut le faire localement, pareil. Bref, c'est un des éléments, un des aspects que je voulais parler là-dessus. La deuxième activité... Donc ça, c'est le 17 mars, c'est bien ça? C'est le 17 mars, aux Amis de la Terre, au centre Frédéric Bach, qui est au 870 de Salaberry. Parfait. L'autre, c'est le 23 mars, avec M. Jacques Bégelina, qui, pour nous aussi, est bien connu, mais bon, c'est un sociologue. Il a écrit, La globalisation du monde. Et aussi, le virage à droite des élites politiques québécoises. Mm-hmm. Ça, c'est ses dernières publications. Il a publié un dictionnaire de la mondialisation. Il a publié, si le tiers-monde s'autofinançait, c'est pas d'hier que M. Gélinas réfléchit à ces questions. Puis là, j'en parlais avec Cédric à l'entrée. Il serait possible de le recevoir possiblement la semaine prochaine. Oh! Surprise! Il reste quelques cordes à attacher. Puis, probablement que M. Gélinas viendra vous entretenir de ce projet de conférence qui a intitulé ça « Maître de notre eau, chez nous, ou porteur d'eau. » Point d'interrogation. Ouais. Monsieur Gélinas saura nous entretenir de ce sujet. Oui, mais ça va être très, très, très intéressant aussi. Ouais. Et dans le cadre des célébrations en question du 10e anniversaire des luttes, il y a surtout d'organiser la journée du 16 avril. Le 16 avril. À mettre retenir. À vos agendas, ouais. Il y a toute une journée d'organiser. On se souhaite du beau temps. On est entre nous, on peut le souhaiter, bon. Différentes parties de la journée, il y a différents lieux d'organisation. Bon. À 11h, ça commence au Parc de l'Amérique française. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, au parc? Ben, c'est symbolique, le parc de l'Amérique française. Mm-hmm. C'est là que la clôture a tombé en 2001. Puis, s'il y a un certain sens, je sais pas, si j'étais croyant, je dirais sacré à ce lieu-là. Mais il faudrait que je trouve un autre mot, là, bref. Mais bon, il y aura toutes sortes d'activités, là. Actions colorées, commémoratives, contre le mur de la honte. Il y a un petit groupe qui veut théâtraliser la tombée du mur, mm-hmm. la défoncer du mur, là. Sans doute qu'il y aura des choses là-dessus. Il y aura un micro d'installer pour les gens qui voudront s'exprimer à cet endroit-là. Et un pique-nique, on invite les gens à manger dans le parc. On se souhaite de la bonne température. Bon. Par la suite? Ensuite, bon, à partir de 14h30, on se déplace à l'école Joseph-François Perrault, qui est au 140 Chemin Sainte-Foy, où il y aura des ateliers, conférences, projections. Moi, je serai disponible si mes formations sont populaires. Je vais les présenter, le Libre-Échange 101, puis 10 ans d'altermondialisme. Dans une perspective historique, d'où vient le libre-échange et où on en est avec le mouvement altermondialiste que j'ai présenté presque ici en détail dans mes premières présentations mm-hmm. à l'automne. C'est de la vulgarisation pour les gens qui s'y connaissent très peu dans le domaine. Mm-hmm. Entre nous, je vous apprendrai rien. C'est pas ça l'objectif de mes présentations. À la fin de cette journée-là, avant le souper, qui viendra après, oui. on a le lancement d'un recueil de témoignages d'avril 2001 à Québec. Ça, c'est, on dit recueil de témoignages, c'est on cherche des documents audio, vidéo, même écrits aussi qu'on pourrait scanner pour monter une banque mm-hmm. de tous ces documents-là. En fait, si on poussait à l'extrême ce projet-là, ça deviendrait un centre de recherche sur le sommet des Amériques. Mais voyez un peu l'idée, on veut monter ça. Puis ça sera publié sur le web, probablement sur un site. Je sais pas si ça sera un site autonome, mais ça sera au moins des pages du site du réseau du Forum social. Bon, là, j'en étais à le lancement du recueil. Bon, après ça, il y a le souper communautaire sur place qui sera servi grossièrement. C'est un repas de 10$ qu'on va vous demander 5$. Ça fait que ça risque d'être intéressant. Mm-hmm. Puis je pense que c'est Victor qui est Ramos, qui est Deli Soleil, qui sera le invité à nous servir avec sa super bouffe latino-américaine. Autre étape, il y a le show après dans la soirée. Spectacle, on dit, je devrais dire en français, mais bon. On a de réservés comme groupe actuellement Paul Carniello, Normand Naroki, Charlie Foxtrot, Hélène Matt, Tintamar et DJ Rough and Tough Sound System. Ça, c'est ceux qui sont confirmés aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, ça risque... D'ici le 16 avril, il risque d'avoir... Je pense que plus, comme dans tout spectacle, moi j'ai déjà fait un peu de production... Nos gros noms, on va les garder pour un petit peu plus tard, puis il risque d'avoir ben des nouveaux, la relève et tout ça. C'est ces gens-là qui sont invités. Alors, chers auditeurs, vous aurez le scoop à venir dans les prochaines semaines. Ça, c'est au bateau de nuit. Le bateau de nuit, au 275 rue Saint-Jean. Le soir, les spectacles, ça sera là. Puis le souper communautaire, bon, on est encore à l'école Perrault. Excellent. Donc, bien, merci pour cette première partie. Alors, on va se quitter un court instant pour une dernière pause musicale. Restez bien avec nous. On se retrouve après pour la fin de l'émission, toujours avec Renaud Blais. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Le monde médit de moi. De soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-sac. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Gulvendi. Alors, on est toujours en compagnie de Renaud Blais, avec qui il nous a parlé des activités dans le cadre de la quinzaine de l'eau et également des 10 ans des luttes, des activités, des célébrations, pardon, commémoratives des 10 ans des luttes contre du sommet des Amériques. Donc, en deuxième partie, tu voulais nous partager une publication. Ouais, ben, je vous ai parlé d'un livre qui est sorti en fin 2010, la dernière fois, il y a un mois, qui s'appelait L'altermondialisme. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, ça sera peut-être question de quitter. Là, il s'est publié un livre, c'est pas le régime français, là, en 2009, sous le même titre. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas parler de l'autre, là, puis présenter ça un peu. Bon, c'est une petite plaquette. Hein, ce que je vous ai parlé, là. Il y a un mois, c'était 500 pages, quasiment une encyclopédie. Bon, ça n'a pas la même envergure, mais c'est le même sujet, mm-hmm. C'est traité à peu près. Bon, alors il s'agit de l'altermondialisme. L'auteur, c'est François Dupuy-Déry, publié chez Boréal en 2009. Bon. Donc c'est pas. L'auteur fait encore une table des matières. Je vais vous faire ça en vitesse. Le contexte d'émergence du mouvement. Mm-hmm. Ensuite, un mouvement des mouvements. Là, les idées des gens qui sont dans ce mouvement-là. Puis après ça, la liste des batailles qui se sont menées dans le cadre du mouvement altermondialiste. Puis il fait une petite conclusion provisoire. Fait que, tout ça dans 125 pages. Ouais, ben c'est il faut lui donner l'esprit de synthèse parce que c'est bon, c'est un politologue là qui a bien travaillé. C'est quand même un universitaire hein, aussi là. Bon, dans le contexte d'émergence du mouvement, pour lui, j'ai deux petites citations. Il définit les termes néolibéralisme, la mondialisation, les différents types de ripostes qui sont bons. Il affirme à la page 24 que la tenue d'un événement à caractère international qui incarne aux yeux des insatisfaits, le néolibéralisme et la mondialisation du capitalisme favorisent dans chaque pays l'émergence de ce mouvement. Autrement dit, pour lui, je suis parfaitement d'accord avec lui là-dessus, le fait qu'il se tienne une activité comme, par exemple, ici, les luttes au sommet des Amériques, qui s'est tenu le G20 à Toronto, ça permet aux gens, localement, de se brancher sur cette dynamique qui est très internationale, en fait, la mondialisation. Puis quand on n'a pas une activité comme ça, autour de laquelle se mobiliser, c'est moins concret. Mm-hmm. Fait que, comme je dis, moi, dans mon texte, par exemple, dans le droit de parole, où je présente le 10e anniversaire, ben là, on a eu l'opportunité incroyable de vivre dans notre ville un événement majeur de même, puis il y a des gens qui se mobilisent, puis on en profite pour faire comprendre aux gens pourquoi qu'il y en a qui se mobilisent, puis il y en a qui comprennent, puis il y en a qui voient qu'ils ont intérêt à se mobiliser. Bon, bref, c'est une opportunité qu'il y ait une activité comme ça dans la ville. Ça, pour lui, c'est majeur, puis bon, je suis bien d'accord avec ça. Puis comme il parle aussi de différents contextes d'émergence, différentes... conjoncture d'émergence qui fait que ce mouvement-là monte. Comme, bon, c'est un politologue, là, ça fait qu'il travaille beaucoup sur les conditions d'émergence. Il fait toute une liste de ces conditions-là. Je vais vous les lire rapidement. Une réaction défensive des victimes. Une réaction conservatrice. Il y a dans ça un anti-américanisme. Il y a des contextes nationaux et régionaux qui sont favorables à la sensibilisation de la population à cette dynamique. Il y a une émulation et mondialisation de l'activisme. Ben ça, c'est très clair. Quand on voit un forum social mondial, c'est pas bon. Ensuite, il y a un renouvellement de la gauche et de l'extrême gauche. Notez ici qu'il fait la différence entre la gauche et l'extrême gauche. Je reviendrai là-dessus. Il y a un effet de rétroaction discursive face au néolibéralisme. Ça, ça fait universitaire comme formule. On revenait pas. Un effet de rétroaction discursive face au néolibéralisme. Bon, ben, ce qui veut dire, je suis allé chercher plus loin, c'est une formulation très savante pour dire que ce serait à cause du fait que nos dirigeants politiques invoquent la mondialisation pour prendre des mesures qui déplaisent à la population. Eh bien... Autrement dit, eux, ils l'invoquent comme raison. Mm-hmm. Fait qu'on se dit, ben, si c'est toujours ça la raison, c'est peut-être contre ça qu'il faut se battre. Voilà ce qu'il appelle un effet de rétroaction discursive face au néolibéralisme. Bon, ça, c'est un beau concept. C'est toutes ces conditions d'émergence. Moi, là-dessus, bon, je suis d'accord avec lui, mais anti-américanisme, il y en a, mais je suis pas sûr que c'est majeur. Mm-hmm. Là. Puis bon, faudrait peut-être discuter certains, mais bon. Ensuite, la table des matières, ça continue. Un mouvement des mouvements, comme je vous avais dit. Là, je m'en vais vraiment juste dans le sommaire pour vous donner un peu ce qu'il en dit. Le mouvement des mouvements, là, c'est qu'il liste une série de mouvements qui sont des parties intégrantes de ce qu'il appelle l'altermondialisme. Autrement dit, pour lui, il parle de, bon, l'Association mondiale des peuples, l'Association pour la taxation des transactions financières, les Black Blocs, les campements autogérés de la jeunesse, la convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, les forums sociaux. C'est tout pêle-mêle pour lui, là. Bon, il y en a quelques-uns. Un forum social, Indie Media, qui est un système de... En fait, c'est comme une agence de nouvelles alternatives, la marche mondiale des femmes, le mouvement paysan. Je trouve que ça fait un peu pêle-mêle, là. Tu sais, mais c'est quand même tous des mouvements un peu qui ont... Qui se revendiquent dans cette tendance. En finissant par les apatistes. Moi, j'aurais commencé parce que les apatistes étaient très précurseurs, là, 10 ans avant les autres, bref. Ensuite, il parle des clivages entre les réformistes et les radicaux. Ça, je disais que j'allais revenir, les réformistes et les radicaux, parce que, de mon point de vue, François Dupuy-Déry, il est plus de tendance des radicaux. Ça fait qu'il les met à part des autres quand il... En tout cas, souvent, il y a... Puis, il y a des petits relents 20e siècle, là, je trouve, des fois, là, dans ces... C'est pas clair, mais c'est sous-entendu que les radicaux sont meilleurs que les... juste les réformistes, soi-disant, qui étaient le vocabulaire. Il n'a pas utilisé le vocabulaire, mais on dirait qu'il y a des tendances un peu, des fois. Il tient vraiment à séparer les radicaux des autres. Puis, il me semble que depuis 2000, on est moins dans ce vocabulaire-là et ces concepts-là. Bref. Ensuite, il parle des idées et des discours. Bon, mais là, il nomme une série d'intellectuels qui ont travaillé dans ces dossiers-là. Walden Bellow, je vous en ai parlé. Michel Benassayan. Sayag, celui-là, je le connais moins. Il y a Chomsky, Suzanne George Attack, John Holloway, Naomi Klein. C'est tous des noms avec lesquels on est habitué. Arundhati Roy, c'est dans cette mouvance qu'on l'a connu. Vandana Shiva, Joseph Stiglitz, Animata Draman Traoré, qui est une malienne, si je me souviens bien, ou une ghanéenne. C'est de l'Afrique noire qui nous a montré que c'était... L'Afrique aussi avait ce point de vue-là. Bref. Puis les actes du discours militant, ben c'est souvent l'économie, les droits, la biologie, la culture, les médias. Il fait toujours tout un inventaire. Ensuite, son dernier chapitre avant la conclusion, c'est « À qui la rue? À nous la rue. » Là, il parle des grandes batailles. La bataille de Seattle, Québec, le mur de la honte, Gênes, qui a eu le premier mort, New York. Après ça, il y avait eu une ville de Suède, là, qui Gothenburg, là, quelque chose de même, après Gênes, ça va être important aussi, je ne la vois pas, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Puis il fait une conclusion très, très, très sommaire, dans le sens que, très humble, dans le sens que c'est un mouvement naissant, on sait pas trop où ça va déboucher, soyons... Mais j'ai pas ben de différent avec lui, si je peux dire, là, puis le... C'est lui, c'est vraiment une petite plaquette très accessible, tandis que l'autre, c'était plutôt l'encyclopédie le mois passé. Mais il n'y a pas vraiment de différents points de vue. Moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai lu d'autres auteurs, puis ça fait pas... Il n'y a pas de... Je vois pas de différence entre majeure à souligner, là, que sauf les petites tendances dont je vous ai parlé. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est... Ça peut mais pour quelqu'un qui veut lire ça en une soirée, là, avoir un résumé, là, c'est... Puis François Dupuy-Déry, il y a un autre livre sur le Black Bloc, par exemple. Là, c'est vraiment les résistants plus décidés, plus organisés, qui vont vers la désobéissance civile, comme on dit. OK. Donc, bien, merci, Renaud. Ça m'a fait plaisir. Alors, de nous avoir regardez présenté le détail d'endroit de parole. Le détail d'endroit de parole aussi. Ouais, là, excellent. J'ai présenté tout ça. Oui, tu nous as écrit un bel article. Qui a été réédité. Oui, ah bon. En tout cas, on lira dans le journal Droit de parole. Eh bien, merci Renaud pour cette chronique qui a l'air mondialiste. À la prochaine. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, un grand merci à Fabien Dubuis qui est à la mise en onde ce soir et à Cédric Leterme ainsi qu'à Renaud Blais pour leurs interventions. Alors, merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous tous les vendredis soirs. On vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL. Et parlant de CKRL, la station de radio est en campagne de financement. Alors, plus particulièrement les 1er, 2 et 3 avril, alors vous pourrez envoyer vos dons. Et sinon, vous pouvez le faire avant et vous pouvez également devenir membre de CKRL pour seulement une modique somme de 25 $. Alors, donc, c'était ma publicité pour la campagne de financement CKRL. Donc, nos enregistrements aussi, vous pouvez également les procurer sur celui du site de Attaque Québec. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'émission, donc que vous soyez d'accord avec nos propos ou non. Alors, vous pouvez écrire à legraindesable@hotmail.com. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Alors, d'ici là, restez bien branchés. Et donc, je vous invite, un peu comme Renaud Blais nous a fait la publicité déjà sur les prochaines conférences qui vont avoir lieu. Donc, conférence Maître de chez nous, Maître de notre eau chez nous ou porteur d'eau de Jacques B. Gélina, mercredi le 23 mars. Et également, vous avez la conférence L'accord économique Canada-Europe, une liquidation du bien commun le jeudi 17 mars. Et évidemment, la manifestation demain, donc le 12 mars à la place du Canada. Alors, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi avec 100% Dynamite, tout de suite après ces quelques publicités, sur les ondes de CKRL, cette radio qui cultive tes goûts. Super.